je te propose d'aller te faire enculer par tes amis. De toute façon, t'es un PD. Oui, t'es un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Un PD. Sarkozy, chef connard. Ici, sur son pantalon.